Je voulais simplement réagir, notamment parce que j'ai été aussi membre du CTPCE pendant 4 ans et du CA depuis un an. J'ai entendu parler d'obéissance, de résignation, de capitulation. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre posture par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui est arrivé depuis un an, on est arrivé à une inflammation et une mobilisation, mais enfin, le processus est lancé quand même depuis quelques années. Et je crois quand même que, pour avoir participé à ces deux conseils, si on veut le faire, effectivement, bien, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce qui s'y passe et de voter en conséquence, ça demande de travailler. Ça veut dire que si on travaille à ça, on ne peut pas travailler à la science, qui est quand même, moi, mon deuxième, ou même ma préférence a priori. Donc, c'est un choix qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait davantage, et là, c'est aussi un peu citoyen, qui décide donc d'aller dans ces conseils, pas seulement pour y siéger ou pour avoir le titre, mais aussi pour y travailler. Et ça, je pense que là, je pense que ma double expérience montre qu'il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est vrai qu'on a été un certain nombre élus dans les conseils sur la vague de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, au sein de l'école, il y a des positions différentes qui sont apparues. Donc, ça a peut-être donné un peu plus de sens au fait de siéger dans ces conseils. Mais l'autre idée, c'est que ceux qui ne sont pas mobilisés l'année dernière ou qui n'ont pas suivi, je ne crois pas que c'est seulement... Tout ce qu'on a dit, c'est aussi que, eh bien, ils sont lancés sur les perspectives de concurrence, de construction de carrière, de publication, et que il vaut mieux passer du temps à ça plutôt que de faire le travail d'investissement dans les institutions, qui est quand même aussi fondamental, parce que tout le monde travaille dans les institutions et on a besoin qu'effectivement elles tournent. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi des choix délibérés de. Et puis alors du coup, on n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin d'être au courant, on n'a pas besoin de lire les textes, puisque de toute façon, on adopte une position. Alors après, le sens qu'on peut lui donner, mais je crois qu'elle a un sens, cette position, par rapport à la concurrence dans laquelle on nous lance du point de vue de nos carrières et des publications. Moi, ça me semble assez évident.